Chapitre 4e. La nouvelle garde. Comme l'horloge sonnait 7 heures, M. Orridge mit son chapeau pour se rendre à la tête de tigre. Il venait d'ouvrir sa porte, lorsque, sur son perron, il rencontra un commissionnaire chargé de l'appeler pour un cas pressant dans le plus pauvre quartier de la ville. Après s'en être enquis, il demeura effectivement convaincu que sa visite ne pouvait se différer, et qu'il fallait absolument remettre quelque peu celle qu'il devait faire à Mrs. Frankland. En arrivant au chevet du malade qu'il appelait, il constata la nécessité immédiate d'une opération irrémissible. L'accomplissement de ce devoir lui prit encore du temps. Bref, il était 7h15 lorsqu'il put, pour la seconde fois, partir de chez lui pour se rendre à la tête de tigre. En entrant à l'auberge, le docteur fut informé que la nouvelle garde était arrivée dès 7h, et l'attendait depuis lors toute seule dans une chambre à l'écart. N'ayant aucun ordre de M. Orridge, l'hôtesse avait jugé plus sûr de ne la point présenter avant l'arrivée du docteur à Mrs. Frankland. « A-t-elle voulu monter auprès de la malade ?» demanda M. Orridge. « Oui, monsieur, » répliqua l'hôtesse, « et elle m'a semblé un peu chagrinée quand je l'ai priée de vouloir bien attendre que vous fussiez là. Voulez-vous l'aller trouver, monsieur ?» « Montez par ici, elle est dans mon salon. » M. Orridge suivit l'hôtesse dans une petite pièce au fond de la cour et trouva Mrs. Joseph assise dans le coin le plus éloigné de la fenêtre. Il fut un peu surpris de la voir abaisser son voile au moment où elle entendit la porte s'ouvrir. « Je suis fâché qu'on vous ait fait attendre, dit-il, mais j'ai été mandé près d'un malade. De plus, je vous ai dit, veuillez vous en souvenir, entre 7 et 8 heures. Or, il n'est pas tout à fait 8 heures. Je désirais vivement arriver à temps, monsieur, dit Mrs. Joseph. Dans ces paroles qu'elle prononçait sur le ton le plus calme, il y avait cependant quelque chose de contraint qui frappa l'oreille de M. Orridge et le jeta dans quelque perplexité. Elle semblait craindre que non seulement sa voix, mais son visage aussi, ne lui en dise plus long que les mots dont elle se servait. Quel sentiment avait-elle donc à déguiser? Était-ce, par hasard, quelque déplaisance causée par l'espèce de quarantaine qu'on lui avait fait faire dans l'appartement de l'hôtesse? « Si vous voulez bien m'accompagner, » dit M. Orridge, « je vais sur le champ vous conduire auprès de Mrs. Frankland. » Mrs. Joseph se releva lentement et, une fois debout, posa un instant la main sur une table auprès d'elle. Ce geste, si peu qu'il dura, servit à confirmer le docteur dans l'idée qu'il avait qu'elle n'était pas de force à faire le métier pour lequel elle s'était offerte. « Vous avez l'air fatigué, » lui dit-il, tout en la devançant hors la chambre. « Bien certainement, vous n'êtes pas venu à pied. »« Non, monsieur, madame a eu la bonté de me faire conduire dans la pony-chaise. » Sa voix était toujours contrainte pendant qu'elle répondait ainsi, et elle n'avait pas encore fait mine de relever son voile. Aussi, en montant l'escalier de l'hôtel, M. Orridge prit-il, à part lui, la résolution de surveiller de près les premiers soins qu'elle donnerait à Mrs. Frankland et de requérir, en somme, une garde de Londres, à moins que Mrs. Joseph ne témoignât, dans ses nouvelles attributions, d'un grand zèle et d'une véritable capacité. La chambre occupée par Mrs. Frankland était tout au fond de la maison et on l'avait ainsi choisie, afin que la malade fût aussi éloignée que possible du bruit et de l'agitation qui régnaient constamment à la porte de l'auberge. La seule fenêtre qui l'éclaira donnait sur quelques cottages épars, au-delà desquels s'étendaient les riches pâturages qu'on voit dans l'ouest du Somersetshire, bornés par une longue ligne monotone de coteaux chargés de bois épais. Le lit était à l'ancienne mode, à baldaquin, et avec les éternels rideaux de damas que chacun sait. Ce lit, adossé au mur, se projetait au milieu de la chambre, de manière à ce que la personne couchée avait à sa droite la porte, à sa gauche la fenêtre et la cheminée vis-à-vis le pied du lit. Du côté donnant vers la fenêtre, les rideaux étaient ouverts, tandis qu'au pied et du côté de la porte, ils étaient hermétiquement clos. On comprend dès lors qu'une personne franchissant le seuil de la porte ne voyait rien à l'intérieur du lit. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Mrs. Frankland ?» demanda M. Orridge, portant la main au rideau qu'il allait écarter. « Redouteriez-vous qu'on donnât à l'air un peu plus d'accès autour de vous ?»« « Au contraire, docteur, je n'en serai que plus à mon aise, » répondit-on. « Mais j'ai bien peur, si par hasard vous avez bien voulu me croire un peu de bon sens, de me faire tort dans votre estime, en vous laissant voir de quoi je m'occupe depuis une heure. » Monsieur Orridge sourit en tirant les rideaux et se mit à rire tout à fait en voyant l'enfant et sa mère. Mrs. Frankland, éprise des couleurs voyantes, s'était amusée, pendant que son fils dormait, à le décorer de rubans bleus. Elle avait ainsi fait au baby un collier, des nœuds d'épaule, des bracelets tout pareils, et pour ajouter à l'originalité de cette mascarade, le petit bonnet coquet de sa mère avait été posé de côté sur la tête chauve de l'enfant avec une crânerie tout à fait comique. Rosamond elle-même, comme si elle eût voulu rivaliser d'éclat avec son nouveau-né, avait un léger pardessus rose, orné sur la poitrine et sur les manches d'une garniture de satin blanc disposée en feston. Des fleurs de cities, cueillies le matin même, jonchaient la courte pointe blanche, çà et là mariée à quelques fleurs de lys des vallons, formant deux gros bouquets que tenaient réunis des rubans cerises. Sur ce faisceau de couleurs variées, sur les joues rondes et les rondes épaules du petit maillot, sur le jeune et radieux visage de son heureuse mère, les tendres lueurs d'une soirée de mai se posaient calmes et tièdes. Absorbé dans la contemplation de ce délicieux tableau qui s'était révélé à lui dès qu'il avait écarté les rideaux, le jeune docteur s'y livra quelques instants et ne songea plus le moins du monde à ce qu'il avait appelé dans cette chambre bénie. Il ne se souvint de la nouvelle garde que lorsque Mrs. Frankland, bavardant à tort et à travers, la lui par grand hasard rappelée. « Vraiment, docteur, » disait-elle avec un regard qui semblait lui demander pardon, « vraiment je n'y sais que faire. Je ne peux m'empêcher, femme faite que je suis, de jouer au baby, comme je jouais à la poupée quand j'étais petite fille. Personne n'est-il entré en même temps que vous ? Lenny, êtes-vous là ? Avez-vous fini de dîner, mon chéri ? Et au dessert, quand on vous a laissé seul, avez-vous bu à la santé de la couchée ? Monsieur Frankland est encore à table, dit le docteur, mais il est certain que j'ai amené quelqu'un avec moi. Ah mon Dieu, qu'est-elle devenue ? Mrs. Joseph ? La femme de charge s'était glissée à petit bruit entre le pied du lit et la cheminée, où elle demeurait cachée par les rideaux, encore tirés de ce côté. Quand Monsieur Orridge l'appela, au lieu de l'aller rejoindre là où il était, du côté opposé à la fenêtre, elle apparut de l'autre côté du lit, c'est-à-dire tournant le dos à cette même fenêtre. Son ombre se trouvait ainsi projetée sur le brillant tableau que nous décrivions naguère. Elle tombait obliquement sur la blanche courte pointe. Ses bords noirâtres venaient effleurer la figure de la mère et de l'enfant. « Bonté divine, qu'est-ce ceci ? » s'écria Rosamond. « Une femme ou un spectre ?» Le voile de Mrs. Joseph était enfin levé. Bien que son visage fût nécessairement rejeté dans l'ombre par la position à contre-jour qu'elle occupait ainsi, le docteur vit un changement s'y produire quand Mrs. Frankland prononça ces paroles. Ses lèvres s'entr'ouvrirent et frémirent légèrement. Les rides creusées autour de la bouche, sans doute par les chagrins et les années, se dessinèrent plus profondes. Les sourcils se contractèrent par un mouvement soudain. Quant aux yeux, M. Orridge ne les pouvait discerner. Il s'était abaissé vers le lit dès la première parole de Rosamond. Jugeant médecin ses divers symptômes, le docteur présuma que la pauvre femme souffrait de quelque mal intérieur et ne voulait pas le laisser apercevoir. Très probablement, se disait-il, quelque affection du cœur. Elle l'a cachée à sa maîtresse. Mais moi, je ne m'y laisse pas prendre. Qui êtes-vous ? Répétait cependant Rosamond. Pourquoi, au nom du ciel, vous tenir là tout debout entre nous et la lumière ? Mrs. Joseph ne répondit rien et ne leva pas les yeux. Elle recula seulement avec timidité, s'écartant de la fenêtre autant que possible. N'avez-vous point reçu un message de moi cet après-midi ? Demanda le docteur, s'adressant à Mrs. Frankland. « Et sans nul doute, je l'ai reçu, » répliqua-t-elle, « un très aimable message, m'annonçant d'excellentes nouvelles, une nouvelle garde que nous avons découverte. »« La voici, » dit M. Orridge, désignant du doigt par-dessus le lit la pauvre Mrs. Joseph. « Pas possible, » s'écria Rosamond. Il faut bien pourtant que cela soit. Sans cela, pourquoi l'auriez-vous amené avec vous? J'aurais dû le deviner tout de suite. Venez ici, je vous prie. Docteur, dites-moi donc son nom. Joseph, n'est-ce pas? Non, Joseph. Approchez donc, Mrs. Joseph, et recevez mes excuses pour la brusquerie avec laquelle je vous ai accueilli. Je vous suis plus obligé que je ne saurais dire pour la bonté que vous avez eue de venir ici, et pour l'extrême obligeance que votre maîtresse a mise à se priver de vous. J'espère ne pas vous donner trop de mal, et quant au baby, vous le trouverez de fort bonne composition. C'est un véritable petit ange, et il dort comme un loir. Mais, mon Dieu, à présent que je vous regarde à peu près, je crains bien que vous-même ne soyez dans un état de santé bien précaire. Docteur, si Mrs. Joseph ne devait pas m'en vouloir, je dirais volontiers qu'elle a, pour le moins autant que moi, besoin d'une garde. Mrs. Joseph, s'inclinant vers le lit, se mit à rassembler à la hâte les fleurs de cytise dont il était parsemé. Votre pensée était la mienne, Mrs. Frankland, dit M. Orridge. Mais on m'a formellement assuré qu'il ne fallait pas s'en rapporter la mine de Mrs. Joseph, et qu'elle a toute la force requise pour une garde malade, aussi bien qu'elle en a la bonne volonté. Est-ce que vous allez faire un bouquet de tous ces cities? Demanda Mrs. Frankland, regardant à quoi s'occupait sa nouvelle garde. Voilà une bonne pensée. Le bouquet sera magnifique. Je crains bien que vous ne trouviez la chambre un peu mal en ordre. Je vais sonner ma femme de chambre qui rangera tout. Permettez que je prenne ce soin, madame. Je serais charmé de commencer ainsi à vous être de quelque service, dit Mrs. Joseph. En faisant cette offre, elle avait levé les yeux. Son regard et celui de Rosamond vinrent à se rencontrer. Celle-ci, aussitôt, se rejetant en arrière sur son oreiller, changea quelque peu de couleur. Quelle étrange manière de me regarder, dit-elle. Mrs. Joseph tressaillit à ces mots, comme si on l'eût frappée à l'improviste, et se détournant soudain, s'alla placer près de la fenêtre. J'espère bien que vous n'êtes pas fâché contre moi, dit Rosamond, à qui ce mouvement de retraite ne pouvait échapper. J'ai la très mauvaise habitude de dire à tort et à travers tout ce qui me passe par la tête. Et il m'a semblé tout à l'heure que vous me regardiez comme si quelque chose en moi vous effrayait ou vous était pénible. Veuillez donc, puisque ceci ne vous ennuie pas outre mesure, mettre un peu d'ordre dans cette chambre. Et ne prenez pas trop garde à ce que je dis. Vous serez bientôt au courant de mon caractère, et nous serons alors, vous le verrez, tout à fait d'accord et bonnes amies. Puis, au moment où Mrs. Frankland prononçait ces mots, d'accord et bonnes amies, la garde nouvelle quitta la croisée et revint dans cette partie de la chambre où elle se trouvait à l'abri des regards, entre la cheminée et les rideaux fermés au pied du lit. Rosamond regarda du côté du docteur, à qui elle allait exprimer son étonnement, mais au même instant il se tournait lui aussi, cherchant une position qui lui permit de voir ce que faisait Mrs. Joseph de l'autre côté des rideaux. Lorsque d'abord il l'aperçut, elle avait le visage caché dans ses deux mains. Avant qu'il eût pu nettement se rendre compte s'il les avait ou non portées à ses yeux, elles changèrent de position et furent employées à dénouer le chapeau de la nouvelle venue. Quand elle l'eut posé, avec son châle et ses gants, sur une chaise placée au coin de la chambre, elle alla vers la table de toilette et se mit à ranger les 1000 petits objets qui s'y trouvaient dispersés. Elle les disposait en bon ordre avec une dextérité, un goût remarquable, et aussi avec un discernement subtil entre les choses qui devaient servir et celles de pure décoration, qui la fit très favorablement juger de M. Orridge. Il nota, en particulier, le soin avec lequel elle se mettait au courant des flacons de pharmacie qu'elle trouvait pêle-mêle sur son chemin, lisant l'étiquette de chacun d'eux et plaçant d'un côté de la table ceux qui seraient probablement requis dans le courant de la nuit, de l'autre, au contraire, ceux dont on n'aura affaire que le lendemain. Quand elle quitta la table de toilette, pour s'occuper du mobilier et des vêtements divers qu'au sortir des caisses on avait entassés les uns sur les autres, pas le moindre mouvement de ses mains amaigries qui parut ou hasardeux ou perdu. Sans bruit, sans étalage, l'œil à tout, elle passait d'un bout de la chambre à l'autre, et sous ses pas semblait naître l'ordre le plus parfait, la propreté la plus minutieuse. Aussi, lorsque M. Orridge reprit sa place au chevet de Mrs. Frankland, son esprit était tranquille au moins sur un point. Il était clair qu'on pouvait compter sur la nouvelle garde pour ne pas commettre la moindre bévue. « Une femme bien originale, » murmurait Rosamond. « Originale, c'est vrai, » murmura du même ton M. Orridge. « Et de plus, bien mal portante, encore qu'elle n'en veuille pas convenir. Du reste, merveilleusement adroite et soigneuse. Il n'y a donc pas d'inconvénient à l'essayer une nuit, c'est-à-dire pourvu que vous n'ayez aucune répugnance. » « Au contraire, » dit Rosamond, « elle m'inspire une sorte d'intérêt. Il y a dans ses traits et dans ses façons quelque chose, je ne puis dire quoi, qui me donne le désir d'en savoir plus long sur son compte. Il faut que je la fasse jaser, et que je tâche de m'expliquer ce qu'elle a de si particulier. Ne craignez pas, du reste, que je m'excite à bavarder trop, et ne restez pas, en mon honneur, dans cette ennuyeuse chambre d'hôpital. J'aimerais bien mieux vous savoir en bas, tenant compagnie à mon mari, qui doit s'ennuyer à boire tout seul. Allez causer avec lui. Allez le distraire un peu. Pauvre garçon, il doit s'amuser si peu, maintenant qu'il ne m'a plus. Et il vous a pris en goût, monsieur Orridge. Vraiment, vous lui plaisez beaucoup. Un instant. Avant de partir, un coup d'œil au baby. Ne va-t-il pas se donner une indigestion de sommeil? Encore un mot, monsieur Orridge. Quand le dernier verre sera vidé, vous me promettez de prêter vos yeux à mon mari et de le ramener ici pour qu'il me souhaite le bonsoir, n'est-ce pas ? Après avoir pris très volontiers l'engagement qu'on lui demandait en si bons termes, M. Orridge quitta sa malade. Au moment où il ouvrait la porte, il s'arrêta pour dire à Mrs. Joseph qu'elle pouvait, en cas de besoin, le venir appeler en bas, et qu'il lui donnerait, d'ici à son départ de l'auberge, toutes les instructions dont elle croirait avoir besoin pour la nuit. La nouvelle garde, quand il était passé près d'elle, se trouvait agenouillée devant une des caisses ouvertes de Mrs. Frankland, arrangeant quelques vêtements qui n'avaient pas été placés avec assez de soin. Sur le point de lui adresser la parole, il remarqua qu'elle tenait en main une chemisette dont le jabot était garni d'un ruban. Elle lui sembla sur le point de retirer ce ruban. Mais comme effrayée du bruit de ses pas, et lorsqu'elle comprit qu'il se rapprochait d'elle, elle laissa brusquement retomber la chemisette au fond de la caisse, où elle se hâta de la recouvrir avec quelques mouchoirs jetés au hasard. Bien que cette petite manœuvre de Mrs. Joseph eût quelque peu étonné le docteur, il se garda bien de lui laisser voir qu'il l'avait remarquée. Mrs. Norbury, après 5 ans d'épreuve, s'était portée garant de la probité de sa femme de charge, et d'ailleurs, le bout de ruban n'avait absolument aucune valeur. Il était donc impossible, à tous égards, de soupçonner en elle une intention coupable. Et cependant, M. Orridge ne put s'empêcher de se le dire en quittant la chambre, sa conduite, au moment où il l'avait surprise près de la malle, était exactement celle d'une personne se disposant à commettre un vol. « Je vous en prie, ne vous préoccupez pas des bagages, » dit Rosamond, remarquant, après le départ du docteur, les soins que se donnait Mrs. Joseph. Ceci regarde ma femme de chambre, qui d'ailleurs n'a rien à faire, et que vous allez rendre encore plus paresseuse qu'elle ne l'est, si vous suppliez ainsi sa besogne. Je vois que la chambre est maintenant dans le plus bel ordre. Venez ici, et asseyez-vous, et prenez quelque repos. Vous devez être une femme bien peu personnelle, et d'un bien bon cœur, de vous donner tant de mal pour quelqu'un que vous ne connaissez point. Le billet du docteur, cet après-midi, m'apprend que votre maîtresse a été en bon rapport jadis avec mon pauvre père. Elle l'aura, je suppose, connue avant ma naissance. Quoi qu'il en soit, je lui suis doublement reconnaissante, et d'être si bonne pour moi, et de l'être à cause de mon père. Mais vous, tous ces sentiments vous sont étrangers. Si vous êtes venue, c'est pure bonté, simple désir d'être utile aux autres. Voyons, ne vous retirez pas ainsi vers la fenêtre. Venez vous asseoir auprès de moi. » Mrs. Joseph s'était relevée et s'approchait du lit lorsque tout à coup, au moment où Mrs. Frankland commençait à parler de son père, elle avait reculé de quelques pas dans la direction de la cheminée. « Venez vous asseoir !» répéta Rosamond, qui s'impatientait de ne recevoir aucune réponse. « Que pouvez-vous avoir à faire là-bas ? » la silhouette de la nouvelle garde vint encore une fois s'interposer entre le lit et la fenêtre par laquelle entraient les pâles lueurs du soir, avant qu'il ne fût répondu à ses pressantes invitations. « La soirée avance, » dit Mrs. Joseph, « et la fenêtre n'est pas tout à fait fermée. Je pensais à l'assujettir et à laisser tomber la persienne, si toutefois, madame, cela ne vous contrarie pas trop. « Oh, pas encore, pas encore. Fermez la croisée, si vous voulez, pour que l'enfant ne s'enrhume pas. Mais ne baissez pas la persienne. Aussi longtemps qu'on y pourra voir un peu, laissez-moi la joie de regarder la campagne. C'est justement à cette heure et par le crépuscule que cette longue bande de pâturage plaigné commence à me rappeler les landes du Cornouaille, telles que me les représentent mes souvenirs d'enfant. Connaissez-vous le Cornouaille, Mrs. Joseph ? J'en ai ouï parler. » Après ces quatre mots, la garde s'arrêta court. Elle s'occupait à fermer la fenêtre et semblait trouver quelque obstacle à faire mouvoir l'espagnolette. « Que vous en a-t-on dit ? » demanda Rosamond. « Que le Cornouaille est un pays assez sauvage, assez mal peuplé, » dit Mrs. Joseph, travaillant de plus belle à son espagnolette, et dès lors tournant obstinément le dos à Mrs. Frankland. « Comment, vous n'êtes pas encore venu à bout de fermer cette fenêtre ?» dit Rosamond. « Ma femme de chambre s'en tirera bien moins de peine. Attendez qu'elle arrive, je vais la sonner sans retard. Il faut d'ailleurs qu'elle brosse mes cheveux et qu'elle rafraîchisse mon front avec un peu d'eau de Cologne coupée d'eau. » « Voilà qui est fait, madame, » dit Mrs. Joseph, qui tout à coup venait de résoudre son problème. « Si vous voulez bien le permettre, je serai heureuse de vous aider à passer une nuit confortable. Et vous n'aurez pas besoin de sonner votre femme de chambre. » Mrs. Frankland accepta l'offre, non sans se dire que la nouvelle garde était une personne des plus singulières. Pendant que Mrs. Joseph parfumait l'eau destinée à la toilette de nuit, le crépuscule envahissait peu à peu le paysage extérieur, et il commençait à faire assez noir dans la chambre. « Ne vaudrait-il pas mieux allumer une bougie ?» insinua Rosamond. « Je ne crois pas, madame, » repartit aussitôt Mrs. Joseph. « J'y vois encore à merveille. » Parlant ainsi, elle se mit à brosser les cheveux de Mrs. Frankland, et en même temps, elle risqua une question qui se rapportait aux paroles qu'elle venait d'échanger au sujet du Cornouaille. Charmée de voir que sa nouvelle garde se familiarisait, enfin, au point de prendre elle-même l'initiative, Rosamond ne demandait pas mieux que de revenir sur les souvenirs qu'elle gardait de son pays natal. Mais sans qu'elle pût se rendre raison de ce phénomène, le contact des mains de Mrs. Joseph, de ses mains légères et caressantes, avait pour effet de la troubler, au point que, pendant quelques minutes, il lui fut impossible de rassembler ses idées et de répondre autrement que dans les termes les plus laconiques. Ses mains erraient avec une sorte de furtive douceur parmi les boucles de sa chevelure, et en même temps, le visage pâle et flétri de la nouvelle garde se rapprochait parfois du sien, un peu plus qu'il ne semblait indispensable. Aussi, une vague sensation de malaise, dont elle n'aurait pu préciser ni la nature ni le siège particulier, se répandait autour d'elle, comme mêlée à l'air qu'elle respirait. Elle voulait changer de position dans son lit et se sentait comme paralysée. Sa tête, qu'elle eût voulu incliner de manière à aider l'emploi de la brosse, se refusait à ce mouvement si simple. Elle n'osait plus regarder autour d'elle. Elle ne savait comment rompre le silence embarrassant qu'elle-même avait produit par ses réponses écourtées et décourageantes. À la fin, cette oppression dont elle avait conscience et qu'elle ne s'expliquait pas, l'irrita tellement qu'elle en vint à ôter brusquement la brosse des mains de Mrs. Joseph. À peine ce mouvement irréfléchi venait-il de s'accomplir qu'elle en eut honte, et une honte d'autant plus vive que l'attitude de la garde exprimait plus de surprise et d'effroi. Avec un profond sentiment de ce que sa conduite avait d'absurde, elle ne put cependant prendre sur elle de réprimer cet emportement involontaire, et tout en riant, jeta la brosse au pied du lit. « Ne soyez pas si étonnée, Mrs. Joseph, » dit-elle ensuite, continuant à rire aux éclats, mais sans savoir pourquoi et sans être au fond le moins du monde égayée. « Je dois vous paraître bien étrange et bien mal apprise. Vous brossez mes cheveux avec un talent remarquable. Mais je ne puis dire comment. Il me semblait tout le temps que cette brosse chassait à l'intérieur de mon cerveau les visions les plus folles. Je ne puis m'empêcher d'en rire encore. Vraiment, il faut, bon gré mal gré, que j'en ris. Savez-vous bien qu'une ou deux fois je me suis imaginé, votre visage se rapprochant du mien, que vous aviez envie de m'embrasser. Avez-vous jamais entendu parler d'aussi ridicules imaginations? Il faut bien me l'avouer, je suis à certains égards plus enfant que ce cher bijou couché là sur mon lit. Mrs. Joseph ne répondit point. Elle s'éloigna du lit, Rosamond parla encore, et revint après un temps dont la longueur pouvait difficilement s'expliquer, apportant l'eau de Cologne coupée. En présentant à Mrs. Franklin la cuvette où celle-ci baignait son front, elle eut soin de se tenir à longueur de bras, et ne se rapprocha pas davantage quand elle lui tendit sa serviette. Rosamond se dit alors que, sans doute, elle avait sérieusement offensé Mrs. Joseph. Aussi voulut-elle l'apaiser indirectement en la questionnant et lui demandant ses bons avis sur les soins à donner au baby. La douce voix de la garde tremblait quelque peu lorsqu'elle répondit simplement et tranquillement aux questions qui lui étaient faites. Mais il n'y avait, dans son accent, aucune trace de ressentiment ou de bouderie. En continuant à lui parler toujours de l'enfant, Mrs. Franklin parvint peu à peu à la ramener près du lit, à la faire se pencher sur le nouveau-né qu'elles admirèrent ensemble, à s'enhardir enfin jusqu'à baiser ses petites joues potelées. Un seul baiser fut tout ce que se permit Mrs. Joseph, après quoi elle s'écarta et poussa, comme à regret, un gros soupir. Ce soupir alla droit au cœur de Rosamond, soudain attristée. Jusqu'alors, la frêle vie de l'enfant n'avait été mêlée qu'à des sourires et à de douces paroles. Elle se troublait à la pensée qu'on pût soupirer après l'avoir caressée. « Vous devez beaucoup aimer les enfants, » dit-elle, hésitant un peu avant d'aborder une question si délicate. « Mais pardonnez-moi ma franchise. Il semblerait que cette affection a quelque chose d'amer pour vous. Je vous en prie, ne répondez pas à cette question si elle a pour vous quelque chose de trop pénible, si vous avez quelque perte à déplorer. Mais j'ai besoin de vous demander si vous avez jamais été mère. » Mrs. Joseph était debout près d'une chaise au moment où cette question lui fut posée. Elle saisit le dossier et s'y cramponna si bien, ou s'y appuya si fort que le bois en craqua. Sa tête s'abaissa sur sa poitrine. Elle n'articula pas, elle n'essaya même pas d'articuler une seule parole. Pensant que sans doute elle avait perdu un enfant, et craignant de la chagriner sans nécessité si elle se hasardait à la questionner encore, Rosamond ne dit plus rien et se baissa vers son fils pour l'embrasser à son tour. Sur la joue de l'enfant, ses lèvres se posèrent un peu au-dessus de l'endroit où s'était posée celle de Mrs. Joseph un moment auparavant. Elles rencontrèrent un reste d'humidité sur sa peau lisse et tiède. L'idée lui vint alors que l'eau dont elle avait baigné son visage avait pu mouiller l'enfant, mais ses doigts, passant légèrement sur la tête, le cou, la poitrine du petit chérubin, n'y trouvèrent pas trace d'humidité. Une seule goutte était tombée, et elle était tombée sur la joue que la garde avait baisée. Le paysage s'effaça, noyé dans le crépuscule. L'intérieur de la chambre s'obscurcit de plus en plus, et bien qu'assise auprès de la table sur laquelle étaient placées les bougies et le briquet, Mrs. Joseph n'essaya pas d'allumer. Rosamond, que ne laissait pas tout à fait tranquille cette idée de rester sur son lit, tout éveillée, dans l'obscurité, sans autre société qu'une personne qui lui était presque absolument inconnue, voulut au moins y voir clair. « Mrs. Joseph, » dit-elle, regardant du côté de la fenêtre où les dernières clartés du jour se voilaient de plus en plus, « je vous serais bien obligée d'allumer les bougies et de laisser tomber la persienne. Je n'y vois plus assez pour trouver au paysage le charme de ressemblance que vous savez. Vous aimez donc bien le Cornouaille, madame ? » demanda Mrs. Joseph, se levant, mais comme à regret, pour se procurer de la lumière. Vraiment, oui, répondit Rosamond. J'y suis née, et nous étions en route pour nous y rendre, mon mari et moi, quand mes souffrances nous ont obligés de nous arrêter ici. Vous êtes bien longtemps après ces flambeaux. N'avez-vous pas trouvé la boîte d'allumettes ? » Avec une maladresse assez surprenante chez une personne qui avait montré tant de dextérité à mettre la chambre en ordre, Mrs. Joseph cassa la première allumette en essayant de la faire prendre et laissa tomber la seconde après qu'elle eut pris. Une troisième tentative réussit mieux, mais un seul flambeau fut allumé. Encore l'enleva-t-elle de la table sur laquelle Mrs. Franklin l'avait vue pour l'aller poser sur la toilette masquée à la malade par les rideaux fermés au pied du lit. « Pourquoi donc ôtez-vous ce flambeau de là ?» demanda Rosamond. « J'ai pensé qu'il valait mieux pour vos yeux que la lumière ne fût pas si près, » répondit Mrs. Joseph. Puis elle ajouta, se pressant un peu, comme pour éviter quelque objection prévue. « C'est donc en Cornouailles que vous alliez, madame, quand votre voyage s'est trouvé interrompu. » Un voyage d'excursion, n'est-ce pas ? Et tout en parlant ainsi, elle enleva le second flambeau comme le premier, disparaissant tout à coup pour l'aller poser sur la toilette. Rosamond pensa que la garde, nonobstant ses douces façons et sa calme physionomie, était une femme des plus obstinées qu'on pût rencontrer. Mais elle était trop bonne pour se prévaloir du droit qu'elle avait de faire placer à son gré les flambeaux de sa chambre. Et quand elle répondit à la question de Mrs. Joseph, ce fut sur un ton aussi gai, aussi familier que jamais. « Vraiment, non. Ce n'était pas d'excursion qu'il s'agissait, » dit-elle. « Nous nous rendions tout droit dans le vieux manoir où je suis né. Il appartient maintenant à mon mari, Mrs. Joseph. Je n'en ai pas approché depuis l'âge de 5 ans. Un vieil endroit, tout en ruine et croulant. Vous qui parlez de la sauvagerie et de l'aspect désolé du Cornouailles, la seule idée d'habiter Porthgennatawa vous ferait horreur. » Pendant tout ce discours de Rosamond, le froufrou léger de la robe en soie que portait Mrs. Joseph n'avait pas cessé de se faire entendre autour de la toilette. Au moment où le nom de Porthgennatawa fut prononcé, ce bruit s'arrêta soudain et pendant un instant. Un silence de mort régna dans la chambre. Vous qui, toute votre vie, avez probablement habité des maisons bien entretenues, « vous ne vous figurez pas un endroit comme celui où nous nous rendrons dès que je serai remis assez pour voyager ?» poursuivit Rosamond. « Que pensez-vous, Mrs. Joseph, d'un grand bâtiment dont toute une portion est restée inhabitée pendant plus de 60 ou 70 ans ?»« Ceci seul vous donne une idée des proportions de Porthgennatawa. Il y a une aile ouest que nous habiterons en y arrivant. » Et un pavillon nord où existent de vieux appartements délabrés que nous espérons pouvoir remettre en bon état. Pensez donc un peu à la quantité de vieilleries, plus étranges les unes que les autres, que nous allons découvrir dans ces anciennes chambres désertes. Je veux emprunter son tablier au chef de cuisine et au jardinier ses gants, pour fourrager là-dedans de la cave au grenier. Comme la femme de charge sera étonnée quand j'irai à Porthgenna lui demander les clés des appartements du nord. Un cri contenu, le bruit d'un choc contre la toilette, suivirent ces derniers mots de Mrs. Franklin. Elle en tressaillit au fond de son lit et demanda vivement ce qu'il y avait. « Rien au monde, » répondit Mrs. Joseph, retenant sa voix à ce point qu'elle semblait parler à l'oreille de quelqu'un. « Rien, madame, rien, je vous assure. Je me suis heurté par accident contre cette table. » « Veuillez n'en concevoir aucune crainte. Cela ne vaut pas qu'on y prenne garde. »« Vous parlez cependant comme si vous souffriez beaucoup, » dit Rosamond. « Non, non, ce n'est rien. Aucun mal, aucun, vraiment aucun. » Pendant que Mrs. Joseph se défendait ainsi de s'être fait mal, la porte de la chambre s'ouvrit et le docteur entra, frayant la route à M. Franklin. « Nous arrivons de bonne heure, Mrs. Franklin. » « Nous allons vous donner tout le temps de vous préparer à bien dormir, » dit M. Orridge. Il s'arrêta là-dessus et remarqua que le teint de Rosamond était un peu animé. « Je crains, » ajouta-t-il, « que vous n'ayez un peu trop parlé, que vous nous soyez agité un peu trop. Si vous me permettez de hasarder ce conseil, M. Franklin, je crois que plus tôt nous aurons souhaité le bonsoir à madame et mieux nous aurons mérité d'elle. Où est la garde ?» Mrs. Joseph était assise, le dos tourné à la lumière au moment où elle s'entendit interpeller. L'instant d'avant, elle avait jeté sur M. Franklin un regard empreint d'une curiosité franchement avide, qui, si quelqu'un y eût pris garde, l'aurait singulièrement étonné par le contraste de ce hardi coup d'œil avec les manières ordinairement réservées et la parfaite distinction de cette problématique personne. « Je crains que la garde ne se soit fait mal, et plus qu'elle n'en veut convenir, » dit Rosamond, de docteur, lui montrant d'une main l'endroit où Mrs. Joseph était assise, tandis que de l'autre, lentement soulevée, elle entourait de son cou son mari, incliné vers l'oreiller. M. Orridge, s'informant de ce qui était arrivé, ne put obtenir de la garde nouvelle l'aveu que son accident eut la moindre importance. Il conjectura cependant qu'elle souffrait, ou du moins qu'il était arrivé quelque chose de nature à la troubler beaucoup. Il eut, effectivement, toutes les peines du monde à obtenir d'elle un peu d'attention, tandis qu'il lui donnait les renseignements dont elle pouvait avoir besoin pour les soins que réclamerait sans doute, pendant la nuit, la malade confiée à ses soins. Tout le temps qu'il parla, les yeux de Mrs. Joseph, attirés loin de son interlocuteur, erraient du côté où M. et Mrs. Franklin causaient ensemble. En général, elle était bien la personne du monde qu'on pouvait le moins soupçonner d'une impertinente curiosité. Pourtant, aussi longtemps que M. Franklin demeura debout au chevet de sa femme, l'attitude de Mrs. Joseph indiqua nettement une sorte d'espionnage sans scrupule. Le docteur fut obligé de recourir à ses façons de dire les plus péremptoires pour obtenir d'être à peu près écouté. « Et maintenant que j'ai donné mes instructions à Mrs. Joseph, » dit-il en terminant, « je vais, Mrs. Franklin, en vous souhaitant le bonsoir, servir d'exemple à ceux qui doivent vous laisser prendre un repos absolument nécessaire. » L'insinuation était transparente. M. Franklin ne s'y méprit pas, et il essaya lui aussi de prendre congé. Mais sa femme, qui ne voulait pas lâcher ses mains, déclara qu'il ne fallait pas s'attendre à ce qu'elle se le laissât enlever avant une bonne demi-heure. M. Orridge, secouant la tête, commença un plaidoyer en règle, où les dangers de toute agitation prolongée étaient comparés aux bénéfices du calme et du sommeil. Ces remontrances, pourtant, auraient produit peu d'effet, alors même que Rosamond lui permit de les continuer, sans l'heureuse intervention du baby, qui prit ce moment pour s'éveiller, et qui, attirant à lui toute l'attention maternelle, devint pour le médecin un très puissant auxiliaire. M. Orridge n'eut plus qu'à saisir l'occasion qui s'offrait, et à conduire sans bruit M. Franklin dehors de la chambre pendant que Rosamond prenait son enfant dans ses bras. Avant de refermer la porte, il s'arrêta pour glisser tout bas un dernier mot à Mrs. Joseph. « Si Mrs. Franklin veut parler, lui dit-il, vous ne devez pas l'y encourager. Aussitôt qu'elle aura calmé le baby, elle devrait essayer de dormir. Il y a dans ce coin un fauteuil canapé que vous pourrez ouvrir pour vous coucher aussi. » « Maintenez les flambeaux où ils sont, dissimulés par les rideaux. Moins la malade verra de la lumière, plus vite le calme et le sommeil lui viendront. » Mrs. Joseph ne répondit pas. Elle regarda simplement le docteur et lui fit sa révérence. L'expression effarée de son regard, qu'il avait frappé dès le premier abord, était plus marquée que jamais au moment où il la laissait ainsi, pour la nuit entière, auprès de la mère et de l'enfant. « Ce n'est pas là notre affaire, » pensait M. Orridge, tout en reconduisant M. Franklin au bas de l'escalier. « Il faudra, tout considérer, demander une garde à Londres. » Un peu irrité du sans-gêne avec lequel on lui avait enlevé son mari, Rosamond rejeta sèchement les services que Mrs. Joseph s'empressa de lui offrir aussitôt que le docteur fut parti. La garde subit en silence ses petites rebuffades, et cependant, autant que sa manière d'être pouvait le faire présumer, elle avait grande envie de prendre la parole. Par deux fois, elle s'avança vers le lit, ouvrit la bouche, s'arrêta et battit en retraite, avant de s'établir définitivement près de la toilette, au poste que, tout d'abord, elle avait paru adopter. Elle demeura là, silencieuse et hors de vue, jusqu'à ce que l'enfant, calmé par degrés, se fût endormi entre les bras de sa mère, sur le sein de laquelle resta une de ses petites mains rosées. Rosamond ne put résister au désir de porter cette main à ses lèvres. encore qu'elle risquât ainsi de réveiller le dormeur. Le bruit de ce baiser eut pour écho celui d'un sanglot, bas et contenu, qui partait de derrière les rideaux fermés au pied du lit. « Qu'y a-t-il ? » s'écria-t-elle. « Rien, madame, » dit Mrs. Joseph, de ce même accent contraint et mystérieux qu'elle avait eu en répondant à la première question de Mrs. Frankland. « Je crois que j'allais succomber au sommeil, dans ce bon fauteuil où me voici installé. Est-ce que j'aurais dû peut-être vous dire plus tôt ? Il m'arrive parfois, assiégé de pénibles souvenirs et sujette à une affection du cœur, il m'arrive, dis-je, de soupirer en dormant. Il ne faut pas y prendre garde, et j'espère, madame, que vous voudrez bien excuser cette faiblesse involontaire. » La générosité naturelle de Rosamond fut à l'instant même éveillée. « L'excuser ? » s'écria-t-elle. « J'espère mieux, Mrs. Joseph, j'espère pouvoir contribuer à la guérir. Quand M. Orridge viendra demain matin, vous le consulterez, et j'aurai soin de vous procurer tous les remèdes qu'il pourra prescrire. Oh, ne me remerciez pas avant d'être guéri. Et puisque le fauteuil est si commode, restez où vous êtes. Voilà le petit rendormi, et je voudrais prendre une bonne demi-heure de repos avant de m'installer définitivement pour la nuit. Pour le moment donc, restez où vous êtes. Je vous appellerai dès que j'aurai besoin de vous. » Loin de rendre le calme à Mrs. Joseph, ces bonnes paroles eurent pour résultat imprévu d'accroître encore ses agitations. Elle se mit à parcourir la chambre de tous côtés, essayant d'attribuer ce changement d'allure au désir de s'assurer que tout était bien réellement en ordre. Quelques minutes après, ne tenant aucun compte des prescriptions du docteur, elle provoqua Mrs. Frankland à parler, en lui adressant sur Porthgenna Tower toutes sortes de questions et en débattant avec elle la probabilité qu'un pareil lieu pût devenir la résidence élue de deux jeunes mariés. « Après tout, madame, » disait-elle d'une voix dont l'émotion singulière contrastait avec l'indifférence de son attitude, « peut-être, quand vous verrez Porthgenna Tower, ne l'aimerez-vous pas autant que maintenant vous vous figurez devoir l'aimer. Qui sait si vous ne vous y ennuierez pas, et si vous n'en partirez pas au bout de quelques jours ? Ceci me semble tout à fait probable. » Surtout si vous hantez les appartements déserts dont vous parliez. J'aurais pensé, moi, et vous ne m'en voudrez peut-être pas de le dire, qu'une belle dame comme vous se tiendrait le plus loin possible de tout ce qui est ordures, poussière, odeurs fâcheuses. Ma curiosité, une fois éveillée, dit Rosamond, je puis braver de bien d'autres inconvénients. Et j'ai plus à cœur de voir les appartements de Porthgenna que de voir les sept merveilles du monde. En supposant même que nous ne nous établissions pas tout à fait dans le vieux manoir, je suis sûr que nous y séjournerons longtemps. » À cette réponse, Mrs. Joseph se détourna brusquement et ne continua pas son interrogatoire. Retournant près de la porte, dans un coin où était le fauteuil canapé que le docteur lui avait recommandé, elle passa quelques minutes à le mettre en état pour la nuit. Mais ensuite, elle s'en éloigna tout aussi soudainement qu'elle y était venue, et de plus belle, se remit à parcourir la chambre. Cette extrême agitation, ce perpétuel remuement qui avait déjà étonné Rosamond, commençait à la mettre mal à l'aise, surtout lorsqu'elle eut entendu à deux ou trois reprises Mrs. Joseph se parler à elle-même. En juger par les mots et les lambeaux de phrases qui, çà et là, se pouvaient distinguer, les idées de la garde roulaient toujours, avec une persistance incroyable sur ce sujet, Porthgenna Tower. Les minutes se succédaient pourtant, et toujours elle marchait par la chambre, toujours marmottant çà et là quelques paroles obscures, et le malaise de Rosamond devenait par degrés une espèce d'effroi. Cherchant à faire comprendre à Mrs. Joseph combien sa conduite était étrange, et cela de la manière la moins blessante, elle pensa qu'il fallait relever quelques-unes de ses paroles, sans paraître croire qu'elles appartinssent à un monologue. « Que disiez-vous donc ? » demanda Rosamond, choisissant pour lui adresser cette question le moment où la voix de sa garde, plus élevée que d'ordinaire, permettait de la surprendre, pensant tout haut. Mrs. Joseph se tut aussitôt, relevant la tête d'un air distrait, comme une personne tout à coup tirée d'un sommeil profond. « Je croyais, continua Rosamond, que vous me parliez encore de notre antique manoir. Il me semblait vous entendre dire ou que je n'y devrais pas aller, ou que vous-même ne voudriez pas y mettre le pied, ou je ne sais quoi dans ce genre. » Mrs. Joseph rougit comme une jeune fille. « Je crois, madame, que vous vous serez trompée, » dit-elle, et de nouveau elle se pencha sur son fauteuil canapé. Mais Rosamond, qui maintenant la guettait avec une certaine anxiété, s'assura que, tout en manœuvrant ce meuble compliqué, la garde ne le préparait nullement à l'usage qu'elle semblait en devoir faire. Que signifiait ceci? Que voulait dire toute sa conduite depuis une demi-heure? Comme Mrs. Franklin s'adressait ces questions, un soupçon terrible venant à se faire jour fit passer un froid de glace jusqu'à la racine de ses cheveux. Jamais cette idée ne s'était encore offerte à elle. Mais sous le coup d'une sensation subite, elle demeura persuadée que la garde n'avait plus le libre exercice de ses facultés mentales. Par cette simple supposition, elle est folle. S'expliquait à l'instant même tout ce que sa conduite avait eu d'incohérent et d'équivoque. Ses étranges disparitions derrière les rideaux du lit, ses allures à la fois furtives et plus que familières qu'elle avait eues en brossant les cheveux de Mrs. Franklin, son silence par moments obstiné, suivi de bavards épanchements, son agitation remuante, ses apartés, ses feintes occupations auxquelles elle ne songeait pas, bref, toutes ces étranges façons, autrement incompréhensibles, s'éclaircissaient du moment où on admettait qu'elle n'avait plus sa tête à elle. Si épouvantée qu'elle pût être, Rosamond conserva toute sa présence d'esprit. Un de ses bras alla, comme par instinct, entourer l'enfant endormi. Et déjà, elle avait à moitié soulevé l'autre pour saisir le cordon de la sonnette qui pendait à la tête du lit, lorsqu'elle vit Mrs. Joseph se tourner vers elle et la regarder en face. Une femme qui n'eut que la fermeté de nerfs ordinaire à son sexe n'eût sans doute écouté en ce moment que son effroi, et se fût désespérément cramponnée à la sonnette. Rosamond eut, au contraire, assez de sang-froid pour prévoir les conséquences probables de ce mouvement irréfléchi. Elle se rendit parfaitement compte que Mrs. Joseph aurait le temps de fermer la porte avant l'arrivée de tout secours, si, en sonnant avant de lui avoir dit pourquoi, sa malade lui laissait entrevoir les méfiances qui maintenant l'assiégeaient. Elle ferma donc lentement ses paupières, tandis que la garde avait les yeux fixés sur elle, d'abord pour lui faire croire qu'elle se préparait à s'endormir, puis afin de se donner le temps d'imaginer un prétexte qui lui permît de faire venir sa femme de chambre. Cependant, le tumulte de sa pensée ne lui rendait pas l'invention facile. Les minutes se succédaient, lentes et pénibles, et aucun motif raisonnable de tirer le cordon de sonnette ne lui venait à l'esprit. Elle se demandait s'il ne vaudrait pas mieux d'expédier Mrs. Joseph en ambassade auprès de son mari, fermer la porte sur elle, et sonner ensuite. Elle calculait les chances de ce parti, et la hardiesse qu'il faudrait pour l'adopter en toute sûreté, quand elle entendit le frôlement de la robe de soie que portait la garde se rapprocher peu à peu du bord du lit. Sa première impulsion fut de se jeter sur la sonnette, mais la crainte maintenant paralysait sa main. Elle ne put la soulever de l'oreiller. Le frôlement de la robe de soie cessa de bruire. Rosamond, entr'ouvrant les yeux, vit la garde arrêtée à mi-chemin, entre l'endroit d'où elle venait et le lit duquel la rapprochait chacun de ses pas. Rien d'égaré ou d'irrité dans sa physionomie. L'agitation peinte sur son visage était celle de la perplexité, de la peur. Elle nouait et dénouait ses mains par un mouvement rapide et saccadé, véritable image de l'incertitude et du désespoir. Ainsi demeura-t-elle, debout à la même place, pendant à peu près une minute. Puis elle fit quelques pas encore et tout bas, avec l'accent de la curiosité la plus vive. Endormie ? Pas tout à fait, pas si tôt. Rosamond essaya d'ouvrir la bouche pour répondre, mais le vif abattement de son cœur sembla monter à ses lèvres et retenir les paroles qu'elle allait prononcer. La garde, toujours avec la même physionomie inquiète et le même air malheureux, n'était plus qu'à quelques pouces du lit. Elle s'agenouilla près du chevet et jeta sur Rosamond un regard passionné. Puis, avec un léger frisson, elle regarda autour d'elle, comme pour s'assurer qu'il n'y avait personne dans la chambre. Alors elle se pencha en avant, prête à parler, hésita, se pencha plus près encore, et dans l'oreille de Rosamond murmura ces mots. Quand vous irez à Porthgenna, n'entrez pas dans la chambre aux myrtes. La chaude haleine de la femme qui parlait ainsi passait sur la joue de Rosamond et semblait apportée là, intermittente et brûlante, par les battements d'une fièvre intérieure. Ces chocs nerveux, cette sensation indicible, brisèrent tout à coup les liens de la terreur qui jusqu'alors retenaient la jeune malade dans un immobile silence. Avec un cri perçant, elle se dressa sur son lit, saisit le cordon de la sonnette et le tira violemment. « Oh, de grâce, silence !» cria Mrs. Joseph, tombant à genoux et frappant ses mains l'une contre l'autre par un geste d'enfant effrayé. Rosamond sonna et ressonna. On entendit retentir sur l'escalier des pas pressés, des voix inquiètes. Il n'était pas encore 10 heures. Personne n'était couché. Ces violentes sonneries avaient mis toute la maison sur pied. La garde se releva, reculant loin du lit et s'appuyant à la muraille, dès que le bruit des pas et des voix se fut rapproché de la sorte. Elle ne prononça pas un mot de plus. Ses mains, qui frappaient naguère l'une contre l'autre avec tant de promptitude, inertes maintenant, pendaient à ses côtés. Les teintes blêmes d'une sorte d'agonie intérieure, épandues sur sa face, ajoutaient quelque chose d'auguste à sa rigide immobilité. La première personne qui pénétra dans la chambre fut la femme de chambre de Mrs. Frankland. Après elle venait l'hôtesse. « Appelez, Monsieur Frankland, » dit Rosamond à cette dernière d'une voix faiblie. « Je veux lui parler sans le moindre délai. « Vous, » continua-t-elle, faisant signe à la femme de chambre, « restez ici auprès de moi jusqu'à ce que votre maître soit arrivé. Je viens d'avoir une peur affreuse. Pas de question. Mais ne me quittez point. » La soubrette regarda sa maîtresse avec un étonnement profond. Puis elle lança de côté, sur la nouvelle garde, un coup d'œil méprisant et menaçant à la fois. Celle-ci, quand l'hôtesse fut sortie pour aller chercher M. Frankland, s'était un peu écartée du lit, de façon à tenir sous son regard le lit tout entier. De là, ses yeux, fixés sur Rosamond, exprimaient la plus dévorante anxiété, une angoisse d'attente qui lui coupait la respiration. Le reste de ses traits ne disait rien. Elle-même restait muette, absorbée dans sa contemplation, ne prenant garde à quoi que ce soit. Elle ne tressaillit, elle ne bougea pas, au moment où rentra l'hôtesse, amenant M. Frankland près de Rosamond. « Lenny !» dit cette dernière, saisissant son mari par le bras. « Lenny, je vous le demande en grâce, ne laissez pas cette femme ici cette nuit. » Averti par le tremblement des mains de sa femme, M. Frankland promena légèrement ses doigts sur ses tempes et sur son cœur. « Grand Dieu, Rosamond, qu'est-il arrivé? Je vous laisse calme et dans un bien-être complet, puis maintenant ?» J'étais effrayé, horriblement effrayé, cher ami, par la nouvelle garde. Ne la rudoyez pas, au moins. La pauvre créature n'est pas dans son bon sens. J'en suis parfaitement sûr. Qu'on l'emmène sans faire de scandale. Qu'on la renvoie d'où elle est venue. Si elle reste ici, je mourrai de peur. Elle s'est si étrangement conduite. Elle a prononcé de telles paroles. Lenny, Lenny, ne lâchez pas mes mains. Elle s'est glissée vers moi, et de quel air? Juste à l'endroit où vous êtes. Elle s'est agenouillée là et, tout bas, ah, quelle parole! Silence, silence, ma chérie, dit M. Frankland, que la sérieuse agitation de Rosamond commençait à inquiéter. Ne répétez pas ces paroles maintenant. Attendez que vous soyez redevenu un peu calme. Je vous en prie et vous en supplie, attendez jusque-là. Tout ce que vous voudrez, je le ferai. Pourvu seulement que vous demeuriez couché bien tranquillement, et qu'avant de prononcer un mot de plus, vous essayiez de prendre sur vous. Il me suffit parfaitement de savoir que n'importe comment, cette femme vous a effrayé, et que vous souhaitez la voir partir d'ici, sans plus de rigueur. Nous remettrons à demain matin toute autre explication. Je regrette vivement de n'avoir pas tenu mieux à mon idée première, qui était d'écrire à Londres pour avoir une garde convenable. Où est la maîtresse de Séan? L'hôtesse vint se placer à côté de M. Frankland. Est-il bien tard? Lui demanda-t-il. Non, monsieur, à peine 10 heures. Veuillez commander un cabriolet qu'on amènera le plus tôt possible à votre porte. Où est la garde? « Debout, derrière vous, tout contre le mur, » répondit la femme de charge. Comme Léonard se tournait de ce côté, « Soyez doux pour elle, Lenny, » lui dit Rosamond. La femme de chambre, qui regardait Mrs. Joseph avec une méprisante curiosité, vit sa physionomie au moment où ces mots furent prononcés, changer du tout au tout. D'abondantes larmes montèrent aux yeux de la malheureuse créature et débordèrent bientôt sur ses joues. La rigidité mortuaire étendue comme un masque de pierre sur son pâle visage fut brisée, pour ainsi dire, en un clin d'œil. Elle recula de nouveau, car elle avait fait un pas vers Léonard, et alla s'adosser à la muraille comme elle y était auparavant. « Soyez doux pour elle, » répétait-elle, et la femme de chambre l'entendait sans rien y comprendre. « Soyez doux pour elle, oh mon Dieu !» Cela, du moins, elle l'a dit avec bonté. Avec quelle bonté elle l'a dit ? Je n'ai nulle envie de m'expliquer avec vous, ni de vous mortifier en rien, dit M. Frankland, qui ne distingua pas ces mots prononcés à demi-voix. Je ne sais rien de ce qui est arrivé. Partant, je ne vous accuse de rien. Je trouve Mrs. Frankland très agitée et dans un trouble extrême. Ce trouble, je l'entends vous l'attribuer. Non dans un mouvement de colère, mais avec un sentiment de vraie pitié. Au lieu de vous faire entendre les reproches que vous méritez, peut-être, j'aime mieux laisser à votre bon sens de juger si vos soins ici peuvent se continuer encore. Je place à votre disposition les moyens de retourner immédiatement chez votre maîtresse, et je vous conseille de lui offrir toutes nos excuses sans rien ajouter, si ce n'est que des circonstances particulières nous obligent à ne pas user de vos services. « Vous venez de me témoigner des égards que j'apprécie, monsieur, » dit à son tour Mrs. Joseph du ton le plus posé, et avec des manières tout à la fois très douces et très fières. « Je me montrerai digne des ménagements dont vous usez, en ne disant rien de ce qui pourrait me servir d'excuse. » Elle fit alors quelques pas vers le milieu de la chambre et s'arrêta sur un point d'où elle voyait en entier Rosamond. Deux fois elle essaya de parler, deux fois la voix lui faillit. À un troisième effort, elle parvint à se rendre maîtresse d'elle-même. « Avant de partir, madame, » dit-elle, « je désire vous voir bien convaincue que mon renvoi ne me laisse aucun ressentiment. Je ne suis nullement irritée. Veuillez vous souvenir qu'en vous quittant, je n'avais pas de rancune et que je n'ai pas articulé une seule plainte. » Sur sa figure se peignait un tel découragement. Il y avait dans sa voix, pendant qu'elle prononçait ce peu de mots, tant de résignation calme et triste, que le cœur de Rosamond en fut comme fasciné. « Pourquoi m'avez-vous fait peur ? » demanda-t-elle, déjà fléchie et admis. « Vous effrayez, moi ? Et comment cela se pourrait-il ? Hélas, qui donc au monde ne vous effrayerait, si moi je vous effraie ? » Parlant ainsi avec une tristesse qui n'avait rien d'affecté, la garde alla prendre son chapeau et son châle sur la chaise où elle les avait déposés. Tandis qu'elle les mettait, on pouvait suivre le tremblement de ses mains amaigries, et cependant, si insignifiant que fût ce soin, on voyait dominer encore, dans ce mouvement mécanique, le sentiment inexorable des convenances traditionnelles. En allant vers la porte, elle s'arrêta une fois encore à côté du lit, jeta sur Rosamond et sur l'enfant un regard voilé de larmes, lutta de nouveau contre sa timidité naturelle et prononça les paroles d'adieu. « Dieu, dit-elle, vous comble de bénédictions. Puisse-t-il vous faire constamment heureux, vous et votre fils ? Vous me renvoyez, et je n'en conçois aucun ressentiment. Si jamais, cette nuit passée, il vous arrive de penser à moi, veuillez vous rappeler que je suis parti sans mériter, ni me plaindre. » Un moment encore, elle demeura, pleurant toujours et toujours, à travers ses larmes, regardant la mère et l'enfant, puis elle se détourna et marcha vers la porte. Dans ses dernières paroles, et dans l'accent qu'elle y mit, il y eut quelque chose qui commanda aux personnes réunies dans cette chambre d'auberge un recueillement silencieux. Elles étaient quatre, et pas un mot ne fut prononcé au moment où la garde, refermant la porte sans bruit, toute seule, s'éloigna d'elle.